Les Liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Septième épisode. Cécile a succombé aux assauts de Valmont et a sombré dans la mélancolie. Quant à Madame de Tourvel, elle aussi semble sur le point de céder aux libertins. Lettre 100. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 3 octobre. Mon ami, je suis joué, trahi, perdu. Je suis au désespoir. Madame de Tourvel est partie. Elle est partie et je ne l'ai pas su. Et je n'étais pas là pour m'opposer à son départ, pour lui reprocher son indigne trahison. Ah, ne croyez pas que je l'eusse laissée partir. Elle serait restée, oui, elle serait restée, eussé-je dû employer la violence. Mais quoi ? Dans ma crédule sécurité, je dormais tranquillement. Je dormais et la foudre est tombée sur moi. Non, je ne conçois rien à ce départ. Il faut renoncer à connaître les femmes. Quand je me rappelle la journée d'hier, que dis-je, la soirée même, ce regard si doux, cette voix si tendre, et pendant ce temps, elle projetait de me fuir ? Ô femme, femme, plaignez-vous donc si l'on vous trompe. Mais oui, toute perfidie qu'on emploie est un vol qu'on vous fait. Quel plaisir j'aurai à me venger. Je la retrouverai, cette femme perfide. Je reprendrai mon empire sur elle. Je la verrai encore à mes genoux, tremblante et baignée de pleurs, me criant merci de sa trompeuse voix. Et moi, je serai sans pitié. Pourquoi courir après celui qui nous fuit et négliger ce qui se présente ? Ah, pourquoi ? Je l'ignore, mais je l'éprouve fortement. Il n'est plus pour moi de bonheur, de repos que par la possession de cette femme que je hais et que j'aime avec une égale fureur. Je ne supporterai mon sort que du moment où je disposerai du sien. Alors, tranquille et satisfait, je la verrai, à son tour, livrée aux orages que j'éprouve en ce moment. L'espoir et la crainte, la méfiance et la sécurité, tous les maux inventés par la haine, tous les biens accordés par l'amour, je veux qu'ils remplissent son cœur, qu'ils s'y succèdent à ma volonté. Ce temps viendra. Mais que de travaux encore. Que j'en étais prêt hier et qu'aujourd'hui je m'en vois éloigné. Comment m'en rapprocher ? Je n'ose tenter aucune démarche. Je sens que pour prendre un parti, il faudrait être plus calme, et mon sang bout dans mes veines. Adieu, ma belle amie. Je me sens moins tourmenté depuis que je vous écris. Au moins, je parle à quelqu'un qui m'entend, et non aux automates auprès de qui je végète depuis ce matin. En vérité, plus je vais, et plus je suis tenté de croire qu'il n'y a que vous et moi dans ce monde qui valions quelque chose. Lettre 101. Le vicomte de Valmont à Azolan, son chasseur, ce 3 octobre. Il faut que vous soyez bien imbécile, vous qui êtes parti d'ici ce matin, de n'avoir pas su que Madame de Tourvel en partait aussi, ou si vous l'avez su, de n'être pas venu m'en avertir. Je vous préviens que s'il vous arrive une seule autre négligence dans cette affaire-ci, ce sera la dernière que vous aurez à mon service. Il faut que vous m'instruisiez de tout ce qui se passe chez Madame de Tourvel. De sa santé, si elle dort, si elle est triste ou gaie, si elle sort souvent et chez qui elle va, à quoi elle passe son temps, si elle a de l'humeur avec ses femmes, ce qu'elle fait quand elle est seule, si quand elle lit, elle interrompt sa lecture pour rêver, de même quand elle écrit. Songez aussi à vous rendre l'ami de celui qui porte ses lettres à la poste. Offrez-vous souvent à lui pour faire cette commission à sa place. Et quand il acceptera, ne faites partir que celles qui vous paraîtront indifférentes. Et envoyez-moi les autres, surtout celles à Madame de Volanges. Arrangez-vous donc pour être encore quelque temps l'amant heureux de sa femme de chambre. Surtout ne quittez pas cette maison et tâchez de vous faire accepter. Prenez garde de perdre cette lettre. Relisez-la tous les jours, tant pour vous assurer de ne rien oublier que pour être sûr de l'avoir encore. Faites enfin tout ce qu'il faut faire quand on est honoré de ma confiance. vous savez que si je suis content de vous, vous le serez de moi. » Lettre 102. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Ce 3 octobre à 1h du matin. Vous serez bien étonnée, madame, en apprenant que je pars de chez vous aussi précipitamment. Mais que votre surprise va redoubler encore quand vous en saurez les raisons. Ah, madame, pardon. Mon cœur est oppressé. Il a besoin d'épancher sa douleur dans le sein d'une amie douce et prudente. Quel autre que vous pouvait-il choisir? Regardez-moi comme votre enfant. Ayez pour moi les bontés maternelles, je les implore. Où est le temps où, tout entière à des sentiments louables, je ne connaissais point ce qui, portant dans l'âme le trouble mortel que j'éprouve, ôte la force de les combattre en même temps qu'ils en imposent le devoir? Ce fatal voyage m'a perdue. Que vous dirai-je enfin? J'aime, oui, j'aime éperdument. Hélas, ce mot que j'écris pour la première fois, ce mot si souvent demandé sans être obtenu, je payerai de ma vie la douceur de pouvoir une fois seulement le faire entendre à celui qui l'inspire. Et pourtant, il faut le refuser sans cesse. Je suis bien malheureuse. Que ne lui est-il aussi facile de lire dans mon cœur que d'y régner? Oui, je souffrirais moins s'il savait tout ce que je souffre. Dans peu de moments, je vais le fuir et l'affliger. Tandis qu'il se croira encore près de moi, je serai déjà loin de lui. À l'heure où j'avais coutume de le voir chaque jour, je serai dans des lieux où il n'est jamais venu, où je ne dois pas permettre qu'il vienne. Déjà, tous mes préparatifs sont faits, tout est prêt, excepté moi. Et plus mon cœur s'y refuse, plus il me prouve la nécessité de m'y soumettre. Je m'y soumettrai, sans doute. Il vaut mieux mourir que de vivre coupable. Déjà, je le sens, je ne le suis que trop. Adieu, ma respectable amie. Aimez-moi comme votre fille. Adoptez-moi pour telle, et soyez sûre que malgré ma faiblesse, j'aimerais mieux mourir que de me rendre indigne de votre choix. Lettre 103. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel, ce 3 octobre. J'ai été, ma chère belle, plus affligée de votre départ que surprise de sa cause. Une longue expérience et l'intérêt que vous inspirez avaient suffi pour m'éclairer sur l'état de votre cœur, et vous ne m'avez rien appris par votre lettre. Que puis-je faire? Que vous admirer et vous plaindre? Je loue le parti sage que vous avez pris, mais il m'effraie parce que j'en conclus que vous l'avez jugé nécessaire, et quand on en est là, il est bien difficile de se tenir toujours éloigné de celui dont notre cœur nous rapproche sans cesse. Cependant, ne vous découragez pas. Rien ne doit être impossible à votre belle âme. Et quand vous devriez un jour avoir le malheur de succomber ce qu'à Dieu ne plaise, croyez-moi, ma chère belle, réservez-vous au moins la consolation d'avoir combattu de toute votre puissance. Et puis, ce que ne peut la sagesse humaine, la grâce divine l'opère quand il lui plaît. Peut-être êtes-vous à la veille de ses secours. Et votre vertu, éprouvée dans ces combats pénibles, en sortira plus pure et plus brillante. Pour moi, je ne soulagerai pas vos peines, mais je les partagerai. Au moins, vous ne pleurerez pas seule. Je ne sais si je fais bien de vous dire qu'il m'a paru vivement affecté de votre départ. Il serait peut-être plus sage de ne vous en pas parler, mais je n'aime pas cette sagesse qui afflige ses amis. Adieu, ma chère belle. Adieu, mon aimable enfant. Oui, je vous adopte volontiers pour ma fille, et vous avez bien tout ce qu'il faut pour faire l'orgueil et le plaisir d'une mère. Lettre 104. La marquise de Merteuil à Madame de Volanges, ce 5 octobre. En vérité, ma chère et bonne amie, j'ai eu un mouvement d'orgueil en lisant votre lettre. Quoi? Vous me demandez s'il ne serait pas plus sage de retirer la parole que vous avez donnée à Monsieur de Gercourt? Ah, je suis bien heureuse si je mérite que vous cherchiez conseil auprès de moi. Je vais donc vous dire librement ma façon de penser. Et je m'en méfie car elle diffère de la vôtre. La prudence est, à ce qu'il me semble, la vertu qu'il faut préférer quand on dispose du sort des autres, et surtout quand il s'agit de le fixer par un lien indissoluble et sacré tel que celui du mariage. C'est alors qu'une mère doit, comme vous le dites si bien, aider sa fille de son expérience. Or, je vous le demande, qu'a-t-elle à faire pour y parvenir, sinon de distinguer pour elle entre ce qui plaît et ce qui convient ? Ne serait-ce donc pas avilir l'autorité maternelle que de la subordonner à un goût frivole ? Pour moi, je l'avoue, je n'ai jamais cru à ces passions entraînantes dont il semble qu'on soit convenu de faire l'excuse générale de nos dérèglements. Je ne conçois point comment un goût, qu'un moment voit naître et qu'un autre voit mourir, peut avoir plus de force que les principes inaltérables de pudeur, d'honnêteté et de modestie. Et je n'entends pas plus qu'une femme qui les trahit puisse être justifiée par sa passion prétendue, qu'un voleur ne le serait par la passion de l'argent ou un assassin par celle de la vengeance. Mais que pourrait-on craindre d'un enfant simple et timide, d'un enfant né de vous et dont l'éducation, modeste et pure, n'a fait que fortifier l'heureux naturel. C'est pourtant à cette crainte, et que j'ose dire humiliante pour votre fille, que vous voulez sacrifier le mariage avantageux que votre prudence avait ménagé pour elle. J'aime beaucoup Danceny, et je vois peu Monsieur de Gercourt. Mais mon amitié pour l'un, mon indifférence pour l'autre, ne m'empêche point de sentir l'énorme différence qui se trouve entre ces deux parties. Leur naissance est égale, j'en conviens. Mais l'un est sans fortune, et celle de l'autre est telle que même sans naissance, elle aurait suffi pour le mener à tout. J'avoue que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer aussi qu'il le facilite beaucoup. Nous ne sommes plus au temps de Madame de Sévigné, le luxe absorbe tout. On le blâme, mais il faut l'imiter, et le superflu finit par priver du nécessaire. Les illusions de l'amour peuvent être douces, mais qui ne sait aussi qu'elles sont peu durables et quel danger n'amène pas le moment qui les détruit? C'est alors que les moindres défauts paraissent choquants et insupportables par le contraste qu'ils forment avec l'idée de perfection qui nous avait séduits. Chacun des deux époux croit cependant que l'autre seul a changé. Le charme qu'il n'éprouve plus, il s'étonne de ne plus le faire naître. Il en est humilié. La vanité blessée aigrit les esprits, augmente les torts, produit l'humeur, enfante la haine, et de frivoles plaisirs sont payés enfin, rachetés par de longues infortunes. Voilà, ma chère amie, ma façon de penser sur l'objet qui nous occupe. Je ne la défends pas, je l'expose seulement. C'est à vous de décider. Lettre 105. La marquise de Merteuil à Cécile Volanges, ce 4 octobre. Eh bien, petite, vous voilà donc bien fâchée, bien honteuse. Et ce monsieur de Valmont est un méchant homme, n'est-ce pas ? Comment ? Il ose vous traiter comme la femme qu'il aimerait le mieux. Il vous apprend ce que vous mourriez d'envie de savoir. En vérité, ces procédés-là sont impardonnables. Et vous, de votre côté, vous voulez garder votre sagesse pour votre amant, qui n'en abuse pas. Vous ne chérissez de l'amour que les peines et non les plaisirs. Rien de mieux et vous figurerez à merveille dans un roman. Voyez donc la pauvre enfant comme elle est à plaindre. Elle avait les yeux battus le lendemain. Allez, mon bel ange, vous ne les aurez pas toujours ainsi. Tous les hommes ne sont pas des Valmont. Malgré les louanges que je me suis forcée à vous donner, comme vous voyez, il faut convenir pourtant que vous avez manqué votre chef-d'œuvre. C'était de tout dire à votre maman. Vous aviez si bien commencé. Déjà vous vous étiez jetée dans ses bras, vous sanglotiez, elle pleurait aussi, quelle scène pathétique! Et quel dommage de ne pas l'avoir achevée. Votre tendre mère, pour aider à votre vertu, vous aurait cloîtré pour toute votre vie. Et là, vous auriez aimé Danceny tant que vous auriez voulu, sans rivaux et sans péché. Vous vous seriez désolé tout à votre aise. Et Valmont, à coup sûr, n'aurait pas été troublé votre douleur par de contrariants plaisirs. Sérieusement, peut-on, à 15 ans passés, être enfant comme vous l'êtes? Vous avez bien raison de dire que vous ne méritez pas mes bontés. Je voulais pourtant être votre amie. Mais si vous ne vous formez pas davantage, que voulez-vous qu'on fasse de vous? Que peut-on en espérer si ce qui fait venir l'esprit aux filles semble au contraire vous l'ôter? Songez que ce qui vous arrive est un bonheur véritable. En effet, placé entre une mère dont il vous importe d'être aimée et un amant dont vous désirez de l'être toujours, ne voyez-vous pas que le seul moyen d'obtenir ces succès opposés est de vous occuper d'un tiers? Distraite par cette nouvelle aventure, tandis que vis-à-vis de votre maman, vous aurez l'air de sacrifier à votre soumission pour elle un goût qui lui déplaît. Vous acquerrez vis-à-vis de votre amant l'honneur d'une belle défense. En l'assurant sans cesse de votre amour, vous ne lui en accorderez pas les dernières preuves. Ces refus, si peu pénibles dans le cas où vous serez, il ne manquera pas de les mettre sur le compte de votre vertu. Il s'en plaindra peut-être, mais il vous en aimera davantage. Et pour avoir le double mérite, aux yeux de l'un de sacrifier l'amour, aux yeux de l'autre d'y résister, il ne vous en coûtera que d'en goûter les plaisirs. Ce parti que je vous propose ne vous paraît-il pas le plus raisonnable, comme le plus doux? Savez-vous ce que vous avez gagné à celui que vous avez pris? C'est que votre maman a attribué votre redoublement de tristesse à un redoublement d'amour, qu'elle en est outrée, et que pour vous en punir, elle n'attend que d'en être plus sûre. Elle ira peut-être, m'a-t-elle écrit, jusqu'à vous proposer Danceny pour époux, et cela pour vous engager à parler. Et si, vous laissant séduire par cette trompeuse tendresse, vous répondiez selon votre cœur, bientôt cloîtré pour toujours, vous pleureriez à loisir votre aveugle crédulité. Pour ce qu'on fait d'un mari, l'un vaut toujours bien l'autre, et le plus incommode est encore moins gênant qu'une mère. Vous tâcherez donc, si vous êtes sage, de vous raccommoder avec Valmont, qui doit être très en colère contre vous. Adieu, bel ange, suivez mes conseils, et vous me manderez si vous vous en trouvez bien. Lettre 109. Cécile Volange à la marquise de Merteuil, ce 10 octobre. Je vois bien, madame, que ce que je croyais un si grand malheur n'en est presque pas un. Et il faut avouer qu'il y a bien du plaisir, de façon que je ne m'afflige presque plus. Il n'y a que l'idée de Danceny qui me tourmente toujours quelquefois, mais il y a déjà tout plein de moments où je n'y songe pas du tout. Aussi, c'est que monsieur de Valmont est bien aimable. Je me suis raccommodée avec lui depuis 2 jours. Ça m'a été bien facile, car je ne lui avais encore dit que 2 mots, qu'il m'a dit que si j'avais quelque chose à lui dire, il viendrait le soir dans ma chambre, et je n'ai eu qu'à répondre que je le voulais bien. Et puis, dès qu'il y a été, il n'a pas paru plus fâché que si je ne lui avais jamais rien fait. Il ne m'a grondé qu'après, et encore bien doucement. Et c'était d'une manière, tout comme vous, ce qui m'a prouvé qu'il avait aussi bien de l'amitié pour moi. Je ne saurais vous dire combien il m'a raconté de drôles de choses et que je n'aurais jamais cru, particulièrement sur maman. Vous me feriez bien plaisir de me demander si tout ça est vrai. Ce qui est bien sûr, c'est que je ne pouvais pas me retenir de rire, si bien même qu'une fois j'ai ri aux éclats, ce qui nous a fait bien peur. Car maman aurait pu entendre, et si elle était venue voir, qu'est-ce que je serais devenue? C'est bien pour le coup qu'elle m'aurait remise au couvent. Comme il faut être prudent, et que, comme monsieur de Valmont m'a dit lui-même, pour rien au monde il ne voudrait risquer de me compromettre, nous sommes convenus que dorénavant il viendrait seulement ouvrir la porte et que nous irons dans sa chambre. Pour là, il n'y a rien à craindre. J'y ai déjà été hier, et actuellement que je vous écris, j'attends encore qu'il vienne. À présent, madame, j'espère que vous ne me gronderez plus. Il y a pourtant une chose qui m'a bien surprise dans votre lettre, c'est ce que vous me mandez pour quand je serai mariée au sujet de Danceny et de monsieur de Valmont. Il me semble qu'un jour à l'opéra, vous me disiez au contraire qu'une fois mariée, je ne pourrais plus aimer que mon mari et qu'il me faudrait même oublier Danceny. Au reste, peut-être que j'avais mal entendu, et j'aime bien mieux que cela soit autrement, parce qu'à présent, je ne craindrai plus tant le moment de mon mariage. Je le désire même, puisque j'aurai plus de liberté. Et j'espère qu'alors je pourrai m'arranger de façon à ne plus songer qu'à Danceny. Je sens bien que je ne serai véritablement heureuse qu'avec lui, car à présent son idée me tourmente toujours. Ce qui me console un peu, c'est que vous m'assurez que Danceny m'en aimera davantage. Mais en êtes-vous bien sûre? Oh oui, vous ne voudriez pas me tromper. C'est pourtant plaisant que ce soit Danceny que j'aime, et qu'avec monsieur de Valmont... Mais comme vous dites, c'est peut-être un bonheur. Enfin, nous verrons. Adieu, ma bien bonne amie. Je vous remercie bien et je vous promets que je n'oublierai jamais toutes vos bontés pour moi. Il faut que je finisse car il est près d'une heure. Ainsi, monsieur de Valmont ne doit pas tarder. Lettre 110. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 11 octobre. Mon ami, je suis en même temps très heureux et très malheureux. Et puisque vous avez mon entière confiance, je vous dois le double récit de mes peines et de mes plaisirs. Sachez donc que mon ingrate dévote me tient toujours rigueur. J'en suis à ma 4e lettre renvoyée. J'ai peut-être tort de dire la 4e, car ne voulant pas perdre ainsi mon temps depuis le second courrier, c'est toujours la même lettre qui va et vient, je ne fais que changer d'enveloppe. Depuis 8 jours, je repasse inutilement tous les moyens connus, tous ceux des romans et de mes mémoires secrets. Je n'en trouve aucun qui convienne, ni aux circonstances de l'aventure, ni au caractère de l'héroïne. La difficulté ne serait pas de m'introduire chez elle, même la nuit, même encore de l'endormir et d'en faire une nouvelle Clarisse. Mais après plus de 2 mois de soins et de peines, recourir à des moyens qui me soient étrangers, me traîner servilement sur la trace des autres et triompher sans gloire? Non, elle n'aura pas les plaisirs du vice et les honneurs de la vertu. Ce n'est pas assez pour moi de la posséder, je veux qu'elle se livre. La tête m'en tournerait, je crois, sans les heureuses distractions que me donne notre pupille. Ce n'est que samedi qu'elle est venue tourner autour de moi et me balbutier quelques mots. Comme je ne perds jamais de vue nos projets, j'ai résolu de profiter de cette occasion pour connaître au juste la valeur de cet enfant et pour accélérer son éducation. Mais afin de suivre ce travail avec plus de liberté, j'avais besoin de changer le lieu de nos rendez-vous. Car un simple cabinet qui sépare sa chambre de celle de sa mère ne pouvait lui inspirer assez de sécurité pour la laisser se déployer à l'aise. Je m'étais donc promis de faire innocemment quelques bruits qui pût lui causer assez de crainte pour la décider à prendre à l'avenir un asile plus sûr. Et elle m'a encore épargné ce soin. Je n'eus pas de peine à lui faire croire qu'elle avait fait un bruit affreux. Aussi convînmes-nous en nous séparant que ce serait désormais dans ma chambre que nous nous rassemblerions. Je l'y ai déjà reçu 2 fois, et dans ce court intervalle, l'écolière est devenue presque aussi savante que le maître. Ainsi occupée toute la nuit, j'y gagne de dormir une grande partie du jour. Cette bizarrerie passe sur le compte de ma santé. J'ai déclaré que j'étais perdu de vapeur. J'ai annoncé aussi un peu de fièvre. J'espère que ma feinte maladie, outre qu'elle me sauvera de l'ennui du salon, pourra m'être de quelque utilité auprès de l'austère dévote, dont la vertu tigresse s'allie pourtant avec la douce sensibilité. Je ne doute pas qu'elle ne soit déjà instruite de ce grand événement, et j'ai beaucoup d'envie de savoir ce qu'elle en pense, d'autant plus que je parierais bien qu'elle ne manquera pas de s'en attribuer l'honneur. Je réglerai l'état de ma santé sur l'impression qu'il fera sur elle. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. 7e épisode avec Élodie Hubert, Cécile Volange, Sophie Doll, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel, Evelyne Guimara, madame de Volange, Laurence Mercier, madame de Rosemonde. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.